Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'ITIS le podcast. Alors pour ce nouveau cadeau bonus, je reçois Spades. Est-ce que ça va Spades? Très bien. Et Mikado Twix, est-ce qu'il va bien? Salut tout le monde, ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un monstre, pas seulement des années 80, mais un grand monsieur du doublage notamment, mais on va y revenir. On parle bien sûr aujourd'hui de Roger Carrel. Alors Roger Carrel, Spades, est-ce que tu peux nous parler de sa carrière? Bien sûr, donc Roger Carrel est un Parisien pur souche, né dans le 11e arrondissement en août 1927. Il faut savoir que Monsieur Roger Carrel, on a failli l'appeler Monseigneur Roger Carrel, vu qu'il faisait le séminaire pour devenir prêtre, ou plutôt se spécialiser dans les missionnaires. Mais son timbre de voix, sa capacité à la transformer et son coup prononcé pour jouer des blagues lui ont donné envie de faire la comédie. C'est grâce à sa tante et les contacts de celle-ci qu'il va pouvoir prendre ses premiers cours avant d'intégrer le prestigieux cours Simon avec tout un florilège de célèbres acteurs par la suite. Donc il aura une carrière théâtrale très très honorable et il fera ses premiers pas devant la caméra grâce à une autre passion, l'escrime, en devenant cascadeur dans le film Le Fils de Lagardère en 1952. Tout au long de sa vie, il a tourné avec quelques-uns des plus grands réalisateurs français, que ce soit Chabrol, Tchernia, Zidi, Audiard. Mais c'est surtout pour sa voix incroyable et sa carrière de doubleur qu'on le connaît le plus, et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Ok, donc en fait c'est un peu l'homme qui tombe à pic, mais du film en costume. Quoi. Ah mais grave. Ok, bon. Alors donc, écoute, merci Spades de cette mise en bouche. Moi je me permettrais quand même d'évoquer un peu cette carrière théâtrale et cinématographique, avec notamment, j'ai noté 2-3 rôles qui m'ont particulièrement marqué, puisque comme tu le disais, on va orienter ce podcast sur le doublage, mais on y reviendra après. Je voulais quand même citer sa prestation de curé dans Clérambard. Rien à voir avec les blagues, hein, bien évidemment. En 1969, c'est ce qui a été repris récemment par notre ami Jean-Marie Bigard. Bref, je ne vais pas citer plusieurs fois Bigard, mais bon, bref, c'était ridicule. Il jouait un rôle de curé, donc pour rejoindre sa formation initiale de séminariste. Il a souvent été dans des rôles d'ecclésiastique. Et deux autres rôles, Papy fait de la résistance en 1983, où il incarnait un général Müller. Donc c'est vrai qu'il était soit curé, soit général allemand, souvent dans les films de notre ami Roger Carrel, puisque ma dernière évocation, c'est Le Diable Rose. Est-ce que vous connaissez le film Le Diable Rose? Pas non, du tout. Ça me dit rien. Ça me dit rien, ouais. 1987, avec une grande actrice. Jeanne d'Arc. Ah, je sais. Avec Catherine Zeta-Jones. Non, je confonds. En 87, ouais, c'est tendu. Ah non, je confonds. C'est donc Catherine Zeta-Jones, c'était Les Mille et Une Nuits. Ouais, c'était Les Mille et Une Nuits, ouais, absolument. Ouh. Avec Junio. Au nom de nom. Non, avec Brigitte Lay. D'accord, ok. Voilà. En fait, il jouait le rôle d'un général allemand, pareil. Et le film se passait dans une maison close, d'où le Diable Rose, qui s'appelait Le Diable Rose, perdu en pleine campagne. Et donc voilà, une nouvelle fois, il était affublé d'un costume de haut dignitaire militaire nazi. Voilà. Donc, comme tu l'as évoqué, Spades, déjà, ensuite, il décide de se réorienter vers le doublage. Alors, Mikado, je te laisse nous parler un peu de cette reconversion professionnelle. En fait, c'est assez bête. Je me suis toujours posé la question, parce qu'il faut savoir qu'avant tout, Roger Carrel se définit comme un comédien. Et d'ailleurs, dans tous les reportages qu'on peut trouver sur Internet, il fustige un peu les acteurs qui font du doublage parce que selon lui ça donne des résultats plutôt on va dire mitigés, enfin toujours poli et toujours smart comme on le connaît. Et donc lui il est tombé complètement par hasard dans le milieu du doublage parce que en fait il avait été repéré par une société de doublage lors d'une représentation théâtrale, parce que comme je disais Roger Carrel se définit vraiment avant tout comme un comédien. Et donc il était repéré parce que la personne adorait son timbre de voix, et il a doublé Fred Astaire dans un film de 1957 qui s'appelle Ninocha. Donc personnellement je ne connaissais pas, et donc sa carrière de doubleur a commencé précisément à cette année là et depuis on peut lister à vue de nez 200 films. enfin 200 films, 200 personnages. C'est hallucinant, quoi. En cumulant cinéma, dessins animés, séries, enfin, à vue de nez, c'est à peu près ça. Bah, c'est une des carrières les plus impressionnantes du doublage français. Ah bah oui, ça... Et c'est aussi une époque où le doublage était extraordinaire, quand même. Oui, alors après, il faut quand même pas oublier que, du coup, il a quand même pas mal délaissé, comme on vient de le dire, sa carrière d'acteur pour ne faire quasiment que du doublage. Personnellement, Roger Carrel, évidemment, parce que pour être tout à fait honnête, nous, on avait en tête de faire ce numéro, mais pas de suite. Et c'est clair dans les commentaires, les différents commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux et sur notre site. Le mot un podcast Roger Carrel revient régulièrement. Et là, on a dit c'est bon, on saute le pas, on est à fond. Et en revanche, personnellement, j'ai aucun souvenir de Roger Carrel au cinéma. Sa voxographie est selon moi extraordinaire, mais je n'ai absolument aucun souvenir de sa carrière télévisuelle en tout cas. J'ai des souvenirs, comme je disais tout à l'heure, mais j'ai pas de souvenirs de Roger Carrel jeune, puisque fait partie de ces acteurs qu'on imagine comme Georges Brassens, il est né vieux, tu sais. Voilà, c'est comme beaucoup d'acteurs, ils sont nés voilà, vieux, Pierre Tchernéa. C'est vrai. Voilà, donc c'est vrai qu'on l'imagine toujours avec sa tête, avec les cheveux blancs, comme on est toujours à peu près connu quand il Absolument. Fait des interviews. Donc bah écoutez messieurs, comme on l'a dit, on va se focaliser sur les doublages. Donc chacun a fait une petite sélection de ces doublages qui l'ont marqué. On va attaquer par un doublage choisi par Mikado Twix, à savoir Astérix. Alors Astérix, inutile de présenter le personnage. Rediffusé tous les ans à Noël. Enfin, je te laisse en parler. Bah, Astérix, je vais être tout à fait franc avec vous. Moi, je suis un fou furieux de bande dessinée. Mais j'aime pas trop la bande dessinée Astérix. Je les lis, j'en ai lu beaucoup quand j'étais enfant. Mais j'aimais pas plus que ça. En revanche, j'étais fan absolu du dessin animé. Et selon moi, le doublage de Roger Carrel apporte tout à ce personnage, parce que encore une fois, j'avais vu un reportage où il expliquait comment il a trouvé cette voix, parce qu'en fait à la base il cherchait un petit français un petit peu teigneux, c'est limite un pléonasme, mais qui est quand même un timbre de voix sympathique. Et en fait Roger Carrel, il est arrivé, il a posé sa voix, et ça fait plus de 50 ans qu'il le double. Ça a toujours été Roger Carrel qui a doublé Astérix, même dans le prochain qui sort, je crois, pour les fêtes de Noël. D'ailleurs, ça sera sa toute dernière voix. Après il arrête définitivement le doublage. Autant à Obélix, il y a eu plusieurs voix. Mais Roger Carrel a toute sa carrière à doubler Astérix. Bon, alors après, là ce nous dit le dessin animé, mais c'est en fait les différents longs métrages qui ont été faits dans les années 70 notamment. C'est ça, avec notamment. Moi, je peux tous te les citer parce que je les ai tous vus. Évidemment qu'on est à la limite du hors-sujet, parce que Astérix chez Cléopâtre, c'est dans les années 60. Mais c'est un film, comme tu le disais, un dessin animé qui passait à tous les Noëls, donc je l'ai vu. Je les ai vus, les Astérix, un million de fois au cinéma. J'avais été voir, je m'en souviens très très bien, Astérix et la surprise de César au cinéma, parce que je crois qu'il est de 1985. Et alors, est-ce que tu peux nous choisir parmi tous ces différents dessins animés un passage culte qui t'a particulièrement marqué durant tous ces visionnages? En fait, ça a été dur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses cultes chez Astérix. Je vais vous faire une petite anecdote. Quand je suis en voiture avec mes enfants, il y a une chanson qu'on adore chanter. C'est « Quand l'appétit va, tout va ».« Quand l'appétit va, tout va ». Voilà, parce que grosso modo, ils sont en train à la recherche de pierres pour construire le palais pour César. Et Obélix est tout triste parce qu'il manque ses sangliers. Au niveau du repas, c'est pas ça. Et là, il commence à chanter « Quand l'appétit va, tout va ». Astérix rebondit dans le générique. Si vous le souhaitez, je peux vous le chanter. Non. C'est comme vous voulez. Parce que bon, grosso modo, les paroles sont assez délicieuses, parce qu'il dit qu'un bon repas sans fromage, c'est une bête qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage, et c'est une forêt sans écureuil. Voilà. Donc, c'est une scène que je trouve extrêmement culte. Mais ce que je vais vous proposer en écoute, c'est dans les 12 travaux d'Astérix, la scène culte parmi les scènes cultes du film, c'est le fameux passage où ils doivent passer l'épreuve du fameux laissez-passer à 38, où Roger Carrel le double divinement bien parce que en fait, il part d'une voix très posée, bonjour, nous voulons le laissez-passer à 38. Ils sont face à un petit vieux qui est sourd d'oreille, qui veut les envoyer au port, je ne sais plus quoi. Et en fait, on sent dans le ton de la voix de Carrel que Astérix monte doucement mais sûrement et qui va péter un câble, chose qui arrive. Voilà, donc je retiendrai cette scène par rapport au doublage de Carrel. Eh ben, on se l'écoute. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Nous devons obtenir le laissez-passer à 38. Immatriculer une galère ? Non, vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Hein ? Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère. Nous voulons le laissez-passer à 38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville. C'est au bord de la mer. Vous pouvez pas vous tromper. Mais nous ne voulons pas le port. Nous voulons le laissez-passer à 38. Hein ? Le laissez-passer à 38 ! Ah, ne criez pas, hein ? Ah, voilà des manières. Où croyez-vous par Jupiter ? Adressez-vous au guichet, hein ? Couloir de gauche, dernière porte à droite. Non, mais... Dernière porte à droite ? Dernière porte à droite ? Il n'y a pas de porte à droite. Ah, il a dû se tromper. Essayons cette porte en face. Alors oui, effectivement, on constate le que... Le laisser passer à 38 ça me fait toujours autant marrer, cette scène. Ah, moi, vraiment, c'est un dessin animé que j'ai vu 12 milliards de fois, que je revois volontiers avec mes enfants, et qui fait toujours le job, quoi, qui est vraiment excellent. Quoi. Oui, pour moi, ça fait partie de mes films d'animation favoris. Ah, pareil, hein. Pareil. Attention, quoi. Les gars, calmez-vous, parce qu'il y a les Astérix récents qui sont vraiment pas terribles. Mais bref. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, non, mais je... ça, alors ça, si Vikings, tu veux, on fait un aparté direct. Moi, j'ai récemment vu Astérix chez les Vikings. Et là, ils dansent Get Down Money, je sais pas quoi. Enfin, c'est affolant. C'est pas du tout le Astérix que j'ai connu et j'ai aimé. Et on parle même pas des films live. Non, on va pas en parler. Non. On va pas en parler. Alors, Spade, justement, puisque tu sors de la tranchée, ta première sélection, c'est une sorte de pilosité assez énorme. Ah, c'est un autre personnage historique. Une sorte de Sébastien Chabal. armé de son gourdin, nous avons affaire au Capitaine Caverne. Ou Captain Caverne, je ne sais pas trop. C'est lui qui fait Capitaine Caverne ? Il fait la voix du narrateur dans le générique et il fait Captain Caverne. Oh là là là là, j'ai le frisson, les copains. On va s'écouter le générique déjà, comme ça nous mettra dans le... Capitaine Caverne ! Oh là là, j'ai le frisson. Capitaine Caverne ! Trois drôles de filles exploraient une caverne au fin fond du Tibet quand elles se trouvèrent nez à nez avec un homme préhistorique, le Capitaine Caverne. Il allait devenir le meilleur ami de Brenda, Lily et Babette. Et aujourd'hui, il les accompagne dans les missions les plus périlleuses. Et voilà. Bon, alors donc du coup, ce dessin animé Captain Caverne, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Spade ? Donc Captain Caverne, ça raconte l'histoire de trois jeunes femmes, Brenda, Lily et Babette, qui vont trouver par accident un homme préhistorique congelé dans une grotte. Une fois libérées, elles vont résoudre des enquêtes à la Scooby-Doo et du Capitaine Caverne, donc ce fameux homme préhistorique, qui cache un arsenal complètement aberrant au milieu de ses poils de barbe. Et de son gourdin aussi, non ? Ah oui, son gourdin, où il y a des trucs bizarres qui en sortent aussi, c'est... Ah ouais. Et moi, c'est curieux, j'ai remontré ce dessin animé à mes enfants et ils sont hyper fans. Franchement, autant il y a des dessins animés comme ça. Bon, je crois que c'est plus 70s hein, de mémoire. Captain Caverne, c'est 77, mais ça a été diffusé en France aux alentours de 79-80. C'est du Hanna-Barbera, si je sauf erreur. Évidemment. Je trouve qu'il y en a beaucoup de cette génération-là qu'on vieillit. Par contre, Capitaine Caverne, c'est culte. Hein. Moi, je suis. J'avais jamais fait le rapprochement que c'était Carrel qui faisait sa voix. Quoi. Franchement, je suis. Je suis aux petits anges, là. Oui, non, mais c'est... Voilà, le personnage est culte, c'est toujours aussi drôle. Moi, pour moi, ça fait partie de mes premiers souvenirs d'enfance. Ouais, quoi, pareil, ouais. Les dessins animés d'Hanna-Barbera qui étaient diffusés, ça devait être dans Le Visiteur du Mercredi, je crois, à l'époque. Et on retrouve son sosie dans Les Fous du Volant, non ? En fait, c'est les personnages, les frères Tapdur qui ont inspiré Captain Caverne et pas l'inverse. Ah, d'accord, je savais pas. Non, et vous savez la poule, tout ça. Pourquoi trois femmes? Moi, j'ai la réponse, mais vous savez. Les drôles de dames. Exactement. Ouais. Mais là où ils font fort les trois demoiselles de Captain Caverne, c'est qu'ici, ils osent représenter une femme noire, ce qu'ils n'avaient pas fait dans les drôles de dames. Ouais, et c'était assez fou, entre guillemets, à l'époque. Hein. Bah, il y avait déjà Josie et les Pussycat qui avaient fait ça avant, mais avec Captain Caverne, ils enfoncent réellement le clou. Ah, mais là, ça y est, maintenant que tu le dis, là, j'ai la voix de Roger Carrel, c'est la voix off et tout, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Ah non, mais c'est marquant, oui. Ah oui, non, ça. Alors justement, bah, ça tombe bien, parce qu'il y a une de mes sélections qui tournait aussi autour de ce type de dessin animé. Je m'étais sélectionné effectivement des Hanna Barbera. J'avais fait un triptyque Mister Magoo. Oh. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mister Magoo. C'est le show, là, c'est un vieux. C'est l'homme le plus myope du monde. Ah, voilà, exactement. Par contre, j'ai pas de souvenir du. Je me souviens du personnage, mais j'ai aucun souvenir du dessin animé, quoi. Et bah, c'est un vieux. Qui, en gros, il est myope. Oui, je m'en souviens de ça. Et en gros, à longueur d'épisode, alors, ça tourne souvent autour du voisinage, autour des magasins, autour de chez lui, et ainsi de suite. Et à cause, justement, de sa myopie, il va se retrouver toujours un peu à l'inspecteur Gadget, tu vois. Genre, il voit pas où il va, mais grâce à je ne sais quelle chance, il va se retrouver, voilà. Il y avait ce personnage-là, moi, qui m'avait marqué. Il y avait Walligator. Ah, Walligator. Je sais pas si vous souvenez de Walligator. Il a une casquette, Walligator. Non, un petit chapeau. Un tout petit chapeau. J'adorais ce dessin animé. Et pour finir, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais Dardar Motus reste pour moi un classique de 1981. Pareil, mes enfants, ils sont fans. Hein. Ah, mais c'est avec génial. Du générique. Le fabuleux générique. Ouais, non, Dardar Motus, moi, c'est le bandeau sur l'œil, le côté... Peut-être pour tromper les ennemis. Il se lève du fauteuil. Mais bon, tout ça, voilà. Donc, c'est un triptyque un peu à Dardar. Il fait Dardar Motus, non? Ah bah évidemment. Ah oui, non, ah, oui, je croyais qu'il faisait le crapaud, je sais pas pourquoi, j'étais sur ça. Alors par contre, dans Mister Magoo, il fait non seulement Mister Magoo, mais aussi le chien parlant de Mister Magoo. Enfin bref, parce que c'est vrai que Roger Carrel, enfin, c'était un peu le problème dans certains dessins animés de cette époque, il n'y avait pas non plus 50 doubleurs. Quoi. C'est-à-dire que quand il y avait plusieurs personnages, on sentait des fois que c'était le même doubleur qui changeait un peu ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tu parles il double le chien. Il faut savoir que Roger Carrel, il double les petits chiens à la perfection. C'est lui qui fait la voix d'Idéfix, par exemple. Bah, oui. Et enfin l'aboiement d'Idéfix, je me suis compris quoi. C'est impressionnant quoi. Enfin, mais par contre, j'aimerais revenir sur un point. Dardar Motus, c'est pas un dessin animé Hanna-Barbera. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Ah, ouais. Mais dans Hanna-Barbera, tu aurais pu citer Yogi Bear. Ouais, mais c'était moins mon truc. Ouais. Je t'avoue que ça m'a pareil, moins marqué. J'étais moins friand à l'époque. Il fait également ce doublage. Oui, oui. Oh là là, c'est un S, mais franchement... Non, mais il a tout fait, hein, faut pas chercher. Bah voilà, c'est ça, quoi. En homme, t'as Roger Carrel, en femme, t'as Micheline Dax, merci, au revoir, quoi. Voilà. Et puis t'as Lionel Leroy qui chante les génériques. Et puis voilà, la boucle est bouclée. Et puis voilà, on ferme la boutique. Bon, alors, on va passer à la deuxième sélection de Mikado, qui nous a choisi, ni plus ni moins, que le scientifique le plus poilu des dessins animés, à savoir notre ami... Il a finalement différents noms selon les séries où il apparaît. Je vais te laisser nous en parler, mais on va quand même l'appeler Maestro, puisque c'est avec lui que nombre d'entre nous ont appris les dates clés de l'histoire du monde. Alors, voilà. Moi déjà, donc le Maestro, c'est le maître à penser de la série de dessins animés Il était une fois. Donc, il y a Il était une fois l'homme, Il était une fois l'histoire, Il était une fois l'espace. Et enfin, la plus connue, parce que la toute dernière qui est sortie, elle n'existe pas, elle est trop moche. La plus connue, c'est Il était une fois la vie. Et moi, le. Tu parles de quoi? Les explorateurs et tout ça, là, c'est ça? Ah ouais, c'est laid, le dessin, il est laid. D'ailleurs, c'est Carrel qui fait encore le doublage. En fait, ça passe sur Gulli. Je sais pas, c'est objectif sauver la Terre, je sais pas quoi. Enfin, Il était une fois notre Terre. Bah voilà, merci. Ah non, mais non, mais là on parle pas de la même chose parce que moi, il était une fois les explorateurs et il était une fois. Non, ça c'est les découvreurs, c'est séries. Des vieux. Ça c'était. C'est c'est de la mouvance. Ah bah tu vois, il y a encore. Bah tu vois, tu m'en apprends encore. Moi, je pensais qu'il y avait quatre gros dessins animés. Non, au total, c'est 7 séries. Ah non, d'accord. Il y en a eu. Voilà. Donc moi, en fait, je me souviens surtout du Maestro dans le Il était une fois la vie, parce qu'il faut savoir, en fait, il y a entre guillemets, il y a deux Maestros dans ce dessin animé. Il y a celui du cerveau, donc qu'on connaît, qui a, pour la petite anecdote, qui a le même habit, les mêmes vêtements que le maestro de la série Il était une fois l'espace. Et je sais pas si vous vous souvenez, en fait, l'histoire elle tourne autour d'aventures de globules rouges. Il y a Emo et Globine qui, en fonction de comment ils passent dans les veines, ils changent de couleur, etc. Franchement, moi, j'avais beaucoup appris hein, la nature humaine. Enfin, le corps humain grâce à ce dessin animé, quoi. Et enfin, t'as le fameux maestro globule rouge qui raconte l'histoire du corps humain. Enfin, c'est surtout lui le narrateur. Et je sais pas si vous vous souvenez de Il était une fois l'espace. Moi aussi. Très peu, mais... Alors, je vais être franc avec vous, j'ai acheté le coffret DVD, je les ai pas encore regardés, j'ai peur de me dire, ça, par contre, ça a trop mal vieilli. Ah, la musique de Michel Legrand et tout, évidemment. Très solide. Malheureusement, je me souviens plus quel était le rôle du maestro dans cette série. Il était le commandant. Il y en avait deux, surtout. Il y en avait un robot. Attends, je prends. Parce que, en revanche, je me souviens parfaitement du robot Métro, qui était la réplique, en fait, humanoïde. Du maestro qui avait vraiment ses propres pensées, sa propre réflexion. Et en fait, j'avais ce jouet, moi, de la marque Poppy, et j'étais extrêmement fan. Le robot, si je me souviens bien, la barbe, elle s'ouvre pour faire une sorte d'hélicoptère. Absolument, voilà. Exactement ce que j'allais souligner. Et c'était les trucs, c'était décliné en plein de jouets. Tu les avais également dans les boulangeries, avec des bonbons dedans. Et voilà, encore une fois, tout ça pour dire que le doublage... Moi, j'aime beaucoup le doublage du maestro, parce que déjà, c'est un personnage... Tu sens que physiquement, c'est une tronche, que c'est quelqu'un de posé. Et je trouve que Carel, il le double... vraiment merveilleusement bien, parce que moi, ce que j'adore chez ce monsieur, c'est sa manière de conter les histoires. Et le maestro, de s'asseoir au coin du feu, exactement, c'est voilà. Et là, de toute manière, Roger Carrel, il te raconte sa liste de courses, tu l'écoutes, quoi. T'es un petit enfant qui écoute, il a un timbre de voix qui est vraiment divin, et je trouve qu'elle prend toute son ampleur par le personnage de maestro dans les différentes séries, parce qu'il a toujours le même timbre de voix, entre guillemets, la même attitude pour ce personnage. Et il a un nez comme les bonhommes de neige, en carotte. Ah oui. Ah oui. Ça m'a toujours frappé. À chaque fois que je faisais un bonhomme de neige, je voulais faire la réplique de Maestro. Et Maestro sort des trucs de sa barbe aussi à la Capitaine Caverne. Hein, tout se recoupe. Ça, ouais. Ah, je m'en souvenais pas de ça. Eh oui. Il me semble dans Il était une fois l'homme que c'était Da Vinci, non ? Il n'est pas inspiré de ça ou un truc comme ça ? En fait, il incarne à tous les âges. C'est ça, on le voit. En fait, c'est le scientifique, le personnage connu, célèbre de chacune des époques. Entre parenthèses, moi, le générique de ce dessin animé, il me faisait super flipper. Ah, moi, j'adorais. Moi, j'aimais pas. C'est à cause de ce dessin animé que j'aime l'histoire et que j'aime la musique classique. Pareil. Et d'ailleurs, on va s'en écouter un morceau, tiens. Allez, c'est parti. J'adore ce générique avec moi j'avais peur, hein, je suis désolé. Avec une coproduction de 152 pays et tout, je sais pas si vous connaissez. Il y avait la RAI, il y avait tout, quoi. Ouais. C'était très pessimiste à la fin et tout. Ouais. Parce que ça commence en cellule et ça finit, la Terre explose. Bon. Bah, il fallait bien faire un rapprochement avec Il était une fois l'espace. Hein. Ouais. Mais comme je vous dis, Il était une fois l'espace, j'ai très très très peu de souvenirs. Pourtant, j'étais fan absolu. J'adore. Il y a même eu du long métrage, hein. Attention. Ah bon ? Oui. Oh, le long métrage en DVD. J'ai les coffrets, je te les prêterai. Ah ouais, non, mais ça, enfin, moi je sais qu'il était. J'ai peur de les regarder vraiment. Ah si, tu peux y aller avec la fille noire et tout, là. Pierrot, tout ça, enfin bref. Et la fille noire, en revanche, elle avait des pouvoirs télépathes, il me semble. Exactement. Ça y est, ça me revient. Il en faut En revanche, Ah si, elle y est dans les autres. Elle y est pas dans Il était une fois la vie. Non, elle y est pas dans Si, elle y est, mais en petite, il me semble. Oui, en toute petite. Ah, j'avais jamais fait le rapprochement. Exactement. Mais bon, les deux meilleurs, c'est quand même les deux méchants, quoi. Ah oui. Avec les cheveux rouges d'ailleurs, et le gros kiff d'alcoolique. Avec le petit teigneux qui ressemble à Sarkozy. Ah bah devine. Attends, voilà. Franchement, non. Mais oui. Mais tellement. Et ils sont, entre parenthèses, ils ont été redesignés dans la toute dernière série. Et ça marche pas du tout, quoi. Je trouve que le design, à part, il y a que le maestro qui a gardé quasiment le même design. Tous les personnages, Pierrot, la nénette, tout ça, ils ont tous été redessinés et ça marche pas du tout. Je trouve que le dessin est vraiment laid, quoi. Mais non, ça ne va pas, ça ne va pas. Trop de sucre, trop de graisse. Message important pour la vésicule biliaire. Accélérer la livraison de bile, on va en avoir besoin pour venir à bout de toutes ces graisses. Informer le pancréas, il va falloir des renforts d'enzymes et en quantité pour digérer tout ça. Alors, Spades, tu nous as choisi, comment te dire ? Un film pour changer. Comment te dire ? Effectivement, ça nous change. C'est vrai qu'on est Maître Miyagi dans Karate Kid. Oh là là, je savais pas non plus, c'est beau. Alors Karate Kid, je pense qu'effectivement tout le monde connaît à peu près. Alors peut-être là tu vas nous dire peut-être pas tous les films parce que tous ne valent pas le coup. Non. Mais je te laisse un peu nous parler de Baby justement de qui joue enfin qui double qui est Maître Miyagi. Donc Karate Kid, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un jeune Daniel LaRusso qui quitte son New Jersey natal pour aller s'installer en Californie avec sa mère. Il va avoir du mal à trouver sa place et au final, pour pouvoir s'imposer, il va apprendre le karaté auprès du jardinier japonais de sa résidence, qui est esclavagiste sur les bords pour lui apprendre le karaté. C'est très particulier. Vous savez quoi, je vais vous faire une petite confidence, je me souviens pas de ces films. Oh, j'ai honte, hein. Mais je sais qu'il y a eu un remake là il y a pas très longtemps, mais je m'en souviens pas. Mais cela dit, moi j'étais, il y avait l'école Karate Kid et l'école Judo Boy, et moi j'étais l'école Judo Boy, tu vois. Ah, moi j'étais l'école Karate Kid. Je déconne. Moi j'étais l'école Kickboxer et Bloodsport, quoi. Et American Ninja. Bref. Justement, le truc avec Karate Kid, c'est qu'il allait à contresens complet des autres films d'arts martiaux, où là, réellement, il traitait le karaté comme un art martial et pas comme un style de combat. Ah. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que Daniel San va donc apprendre auprès de ce vieux japonais joué par Pat Morita. D'accord. qui jouait le cuisinier dans le... Qui jouait tous les Asiatiques de l'époque. Oui, et puis il jouait surtout le cuisinier dans Happy Days. Oh, mais oui. Il jouait, comment ça s'appelait, Al. Al, non, voilà, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais, donc, et le doublage, il est clicheton ou quoi? Genre, ne laisse pas la haine envahir ton cœur, jeune petit cœur. Il a un très fort accent asiatique, mais sans être honteux, quoi. Honnêtement. Ouais, parce que des fois, bon, genre voilà. Michel Lem, la petite chidra, toi, c'est. Voilà, c'est borderline. Tandis que là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Le personnage de Miyagi est donc un japonais qui s'est installé aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale, mm-hmm. qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'armée américaine. D'accord. Donc et le truc, c'est que c'est un personnage assez tragique, en fait. Il a perdu sa femme et son enfant qui venait de naître alors qu'ils étaient enfermés dans un camp d'emprisonnement aux États-Unis. Parce que durant la Seconde Guerre mondiale, tous les ressortissants japonais avaient été enfermés. Et du coup, le Roger Carrel donne une dignité, une beauté à ce personnage qui est impressionnante. C'est un personnage hyper intéressant dans son vécu et dans la manière dont Roger Carrel le représente. Ah bah tu vois, honnêtement, tu m'intrigues là. Je te conseille de revoir au moins le premier, après le reste de la série. Il y en a combien ? Il y a 3 Karate Kid, il y a Miss Karate Kid qui a évité totalement, et le remake. C'est pas avec le film de Will Smith ? Voilà, et avec Jackie Chan. Oh là là, non, c'est pas possible. Non, le film est pas si honteux que ça, honnêtement. D'accord. Le seul truc qui me pose problème, c'est que faire un film Karate Kid sur du Kung Fu, je trouve ça litigieux. est-ce que t'as un extrait à nous bien sûr, le poncer, frotter, qui va vous parler à tous. Bon, on va s'écouter ça. Je suis désolé. Allez, c'est parti. Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup appris. Tu parles, j'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Eh ben, ça me fait une belle jambe. Pas se fier aux apparences. Eh ben, j'en ai ras-le-bol, je rentre chez moi. Daniel-san. Quoi ? Reviens, montrer comment poncer. Je peux pas, j'ai le bras en marmelade. Qu'est-ce que vous faites? Mais... Oh! Oh! Mais... Oh! Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, montrez. Poncez parquet. C'était quoi, ça? Poncez! D'accord, je pense. Non. Restez debout. Montrez à moi le mouvement. Vous voulez? Poncez parquet. Poncez parquet. Avec grand cercle. Poncez parquet. Maintenant, lustrez voiture. Lustrez frotter. Lustrez frotter. Lustrez frotter, hein? Lustrez. Frotter. Concentrez-toi. Regardez mon œil. Bloquez ta main. Pousse à l'intérieur. Lustrez. Frotter. Lustrez. Frotter. Maintenant, peindre palissade. Montez, descendre. Montez. Descendre. Montez. Descendre. Dans autre sens, regardez l'œil. Toujours regardez l'œil. Maintenant, repeindre la maison. Gauche, droite. Bloquez poignet. Gauche, droite. Gauche, droite. Hein? Montrez, lustrez, frottez. Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Montrez, peindre, palissade. Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Montrez, maison, gauche, droite. Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Montrez, poncez, parquet. Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Bien, regardez dans les yeux, bien regardez les yeux. Demain, revenir. Merci pour ce magnifique extrait, Spades. Ouais. J'ai juste une dernière question concernant Karate Kid. Est-ce que c'est dans ce film où il doit attraper les mouches à la baguette? Tout à fait. D'accord, c'est bon, bah, je les ai vus alors, ça me revient. Ça y est, j'ai eu un revival là. Voilà, donc ouais, il faut voir le premier, les autres sont très dispensables, quoi. Voilà. Ok. Eh ben, merci pour ce film qui était le premier de la soirée. Moi, dans ma sélection, j'ai choisi un classique de Roger Carrel, Jiminy Cricket. Alors, je pense que tout le monde connaît ce personnage de Pinocchio, notamment puisqu'il n'a pas joué que dans Pinocchio, il a aussi joué dans Le Noël de Mickey en 1983 et Shrek Fais-moi peur en 2010. Petit aparté sur Shrek Fais-moi peur. Il faut savoir que Roger Carrel a joué dans un film de Jacques Pinotto en 1958 qui s'appelait Shérif et moi peur, qui je pense a dû inspirer la série Shérif et moi peur, et du coup il a doublé Jiminy Cricket dans Shrek Fais-moi peur en 2010, donc la boucle est bouclée. Voilà, c'était pour l'aparté. C'est beau. Donc Jiminy Cricket, par contre, il ne faisait pas partie du premier doublage de Pinocchio. Oui, c'est ce que j'ai, il me semble, voilà. C'était le deuxième doublage, parce que ça se faisait énormément à l'époque, surtout sur les vieux Disney qui datent des années 40-50. Oui. Vers la fin des années 70, souvent, il y avait carrément un nouveau doublage des dessins animés. Ça se fait encore maintenant avec certains vieux dessins animés. Ah d'accord, bah tu vois, tu me l'apprends. Bon, enfin voilà, donc tout ça pour dire que Jiminy Cricket, c'était un personnage qui a marqué ma jeunesse, puisque... Mais pareil, hein, il fait un peu comme le maestro, il fait la voix posée, le narrateur, c'est etc. Quoi. C'est toujours c'est des personnages qui lui correspondent parfaitement. Je pense que dans la liste des gens à appeler pour des personnages comme ça dans des films ou des séries ou des dessins animés, ça fait partie des numéros 1 Roger Carrel, parce qu'on sait que la prestation sera de qualité. Ah oui. Et que y aura aucun côté déceptif. Mais tu sais, Roger Carrel, moi, le bonhomme, je me suis toujours imaginé, voilà, c'est le mec qui vient chez toi. Et tu sais, comme nous, maintenant, dans notre position de papa, on aime bien raconter des histoires à nos gamins, et au coucher. Et là, tu te dis, imagine, c'est Roger Carrel qui vient te raconter une histoire dans ton lit, quoi. Ou Jean Rochefort, tu vois, c'est un peu le même délire. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai revu, bon, on expliquera pourquoi, j'ai revu des vidéos où il y a Jean Rochefort. Hein? Mais j'avoue que Roger Carrel, il apporte. Oui, non, mais en gros, c'est le grand-père qu'on aimerait bien avoir, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Mais ouais, côté voix, Roger Carrel et Jean Topard, pour moi, c'est le must. Ouais, il y a aussi, ouais. C'est vrai, ouais, non, c'est. On pourrait le citer également. Bon, alors sinon, troisième choix de Mikado, un serpent. Alors, je te laisse nous parler du livre de la jungle. Évidemment qu'on va évoquer, on ne peut pas ne pas faire un podcast sans parler de K.A., qui selon moi, est un de ses meilleurs doublages. au niveau identité du personnage, parce que, bah, faut savoir, comme je pense que vous l'avez tous vu, le livre de la jungle. De suite, cette scène culte où il hypnotise Mowgli en lui faisant « Eh, confiance !» Je ne ferai pas l'affront de tenter de doubler Roger Carrel, tu vois, mais cette scène est cultissime, où le petit homme, enfin, je sais pas, il arrive à... T'as l'impression que Carrel, quand il fait la voix de Kara, t'as l'impression que sa langue, c'est une langue de serpent, quoi. Je sais pas comment... comme dans Harry Potter, il doit parler le fourche-langue, je ne sais pas, tu vois. Mais il arrive... T'as l'impression qu'il arrive à plier sa langue, je sais pas. J'ai pas de mots, j'ai pas d'explication. Mais il arrive à faire un serpent qui parle. J'ai pas d'autres mots, je suis désolé, bon, c'est tellement parfait, quoi. On va se l'écouter, d'ailleurs. C'est parti. Oh, c'est toi, Ka? Tout juste, petit homme. Je suis si satisfait de te revoir. Oh non, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi te regarder. Quoi donc? Tu ne veux pas que je te regarde? Alors, regarde-moi. Oh non! C'est très bien ce que tu essayes de faire. Oh! Tiens donc. Je veux dire, tu te défies de moi? Oui. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour toi? Quoi? Tu veux m'aider? Sans aucun doute. Entre autres, faire en sorte que jamais, jamais tu ne quittes la jungle. Et de quelle façon? Oh, j'ai quelques moyens subtils en réserve. Mais pour cela, il faut avoir confiance. Je n'ai plus confiance en personne. Oh, je ne te le reproche pas. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Aie confiance, crois en moi. Que je puisse veiller sur toi. Attention, Vanessa. Fais un son sans méfiance. Je suis là. Aie confiance. Oui, alors de toute façon, ça fait partie des très très grands classiques Disney, L'île de la jungle, j'avoue que... Ah, moi, ça il fait partie de mes préférés. Dans la, ouais, pareil, dans l'esprit Disney, il est dans mon top 5. Quoi. Mais le truc marrant, autant la prestation de Roger Carrel est vraiment impressionnante, comme tu dis, on sent le serpent derrière le... Ah oui. Mais le truc, c'est, il le dit souvent, le problème avec les doublages de Walt Disney, c'est qu'il fallait coller au plus près du doubleur américain. Oui. Oui, c'est vrai que ça, on ne l'a pas trop évoqué, mais bon, Carrel, et Disney, c'est une grande histoire professionnelle et d'amour. Oui. Mais il expliquait que, par exemple, pour Astérix, il a imposé sa patte, son rôle de comédien. En revanche, sur les productions Disney, c'est à la ligne près, quoi, entre guillemets. Oui. C'est vraiment... Il faut être complètement raccord avec ce que souhaite Disney. Quoi. Pas de place à l'improvisation. Ah non. Non, et vraiment, enfin, les limites qui limitent le doubleur américain. Ah c'est oui, dans les intonations, tu veux dire. C'est vraiment... Il faut respecter le jeu d'acteur de l'acteur originel. C'était par exemple, tellement pour revenir, pour clôturer vite fait sur le livre de la jungle, je trouve le doublage tellement culte que jamais j'ai tenté ou même pensé à regarder le film en VO, quoi. Oui, c'est là qu'on reconnaît un bon doublage. Exactement. Jamais tu vas voir la VO si le doublage français est remarquable. Absolument. Bon. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il fait également le doublage dans Robin des Bois. Triste Cire. De Triste Cire, qui est le K.A. mais version Robin des Bois, quoi. Et oui. Qui est pas mal. On peut pas sur la tête. D'ailleurs que le film manque un peu de rythme, mais c'est vrai que ce personnage-là est J'ai peu de souvenirs de Robin des Bois. Je sais que j'avais trouvé ça bien à l'époque parce que je sais plus de quelle année il est, mais je l'avais vu au cinéma parce que pas exceptionnel en termes de rythme. Disney ressortait très régulièrement ses dessins animés, mais j'en garde pas un souvenir impérissable quoi. tout comme Merlin l'Enchanteur, bref. Ah, je suis pas d'accord. Merlin l'Enchanteur, quand il est en oiseau et tout, en écureuil, ça, j'aime bien. on va rester dans le zoo. Un petit chat. On va parler de Alf. Alors, écoute, Spades, tu nous as choisi notre ami Alf. Salut Willy. Salut. Oui, Alf, donc pour Alien Life Form. Moi, je pensais que c'était la moitié, mais mal écrit. De son vrai nom, Gordon Shumway. Oui, il a un vrai nom, Alf. C'est donc Alf, c'est le dernier rescapé de la destruction de la planète Melmac. Qui s'est écrasé. C'est toujours ridicule, une autre planète, bon sang. Qui s'est écrasé sur Terre sur le garage de la famille Tanner, qui l'a recueilli et le cache aux yeux de tout le monde, avec les voisins qui essaient d'espionner, car il y a des choses étranges qui se passent chez les Tanner depuis. Alf, c'est un petit personnage tout poilu. Hein, on revient dans Captain Caverne et Maestro, encore une fois. Un vieux poireau sur le nez aussi. La pilosité, c'est un fil rouge. Ah oui. Il a pas une vieille verrue, je sais pas quoi, sur le nez, non ? Non, il a un énorme nez surtout. Ah oui, exact. Parce que. Honnêtement, je me souviens pas très bien. Non, mais et surtout, ce qui est énorme avec Alf, c'est qu'on le voit jamais presque. Voilà, mais dans le générique, je sais pas si vous vous souvenez. À la fin, ils font une photo de famille. Il y a Alf qui donc prépare l'appareil photo et qui du coup après vient se mettre sur la photo avec toute la famille. Oui. Et là, on le voit en pied. Et on se rend compte que c'est un petit enfant à qui on a mis un énorme masque sur la tête. Mais c'est ridicule. Et les proportions ne sont pas du tout bonnes par rapport à quand on le voit derrière son bar. Parce qu'il passe la vie derrière son bar, en fait. Il est derrière son bar ou alors il a les pieds étendus sur le canapé. C'était pas quelqu'un qui était dedans. Il était animé, le Alf, non ? Oui, c'était une marionnette. Comme les guignols, quoi, non ? Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, moi, j'ai toujours adoré ce personnage. Il est exceptionnel. Et il essaye absolument de bouffer le chat de la famille, quoi. Ah, c'est un tous les chats qui cherchaient sur sa planète d'origine, donc. Voilà. Est-ce que t'as une scène culte ou Spade C'est plutôt tout un ensemble de blagues qu'il a provoquées grâce à son mauvais caractère et à ses coutumes bizarres. J'avoue que je cautionne ce choix à 1000%. Ah, j'ai honte, hein, je connais pas bien, j'ai honte. Hein. Bon, alors après, y a eu, je crois, de mémoire, au moins 4 saisons. Ça s'épuise un peu, quand même. Hein. Est-ce que ça mériterait un podcast, tiens, par curiosité ? Il y a des choses à dire ou pas ? Un podcast. Au moins un cadeau bonus, peut-être. Sur Alf au complet, je ne suis pas sûr, mais sur les séries dans ce style-là, dans les années 80, parce qu'il y en avait un paquet, quand même, ça pourrait être... Et qu'est-ce que Roger Carrel apporte au doublage de Alf, c'est ça le. Bah, le truc, c'est que sa voix est déguisée quand même. On va pas se mentir. C'est-à-dire, parce que. Comme ça un peu, non il y a moins le côté je me mets au bord de la chemise. Alf, dans la série, raconte quand même des histoires aux enfants. Enfin, il a un côté un peu aussi rassembleur. Mais bon, c'est. Oui, le petit chat. Non c'est un petit chat. En fait, c'est le Homer des années 80, quoi. Un peu, ouais, dans le style d'intonation, ouais, c'est à peu près ça. Mais on va dire, en fait, ouais, que donc Roger Carrel joue du fait qu'il est capable de changer de voix toutes les 5 secondes et il donne une personnalité particulière au personnage grâce à ça, quoi. Je pense pas que ce soit la voix la plus emblématique de Roger Carrel, et c'est surtout une voix qu'on arrive assez facilement à refaire, je trouve. Ouais, tu vois, pour le coup. Et tout ça c'est pour pas dire forcément... quand même qu'il a une étendue de un panel de voix qui est quand même hallucinant, quoi. Bien sûr, tout à fait. Oui. Hey, bonsoir. Oh, oh. Oh, bravo, hein. Oh, je t'en prie, Samy. Tu croyais vraiment que tu pourrais me tromper avec ce déguisement grotesque? Samy qui? Quoi, comment, là, Samy qui? Samy, toi, Il va me connaître. Bah oui, bien sûr. Allez, fais pas de numéro et viens ici. Allez, viens prendre un verre. Bon. Mais à un seul, alors, hein? Ouais. À la tienne. Crénom d'un chamel massien? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, comment ça, qu'est-ce que c'est? On boit de la tequila ensemble depuis plus de 7 ans. J'ai déjà demandé ce qu'il y avait dedans. Non, t'as toujours dit que c'était meilleur à boire qu'à respirer. Ben ça, il faut l'espérer. Étonnant que le verre résiste à ça. Oh, à propos de quoi? T'es meilleur à respirer qu'à boire. Moi, je vais vous parler, attention. Il va nous sortir un truc, là. De l'homme de l'Atlantide. Alors... Oula. Alors, bon, ok, c'est la fin des années 72. Patrick Duffy, non, c'est pas lui, non. Ah, bien sûr. Le Mulburn jaune, le plus non, célèbre. Mais il fait pas la voix de Patrick Duffy. Mais non, il fait la voix de du professeur Schubert. Ah, qui est le méchant, en fait. Un gros barbu. Oh, ça sent le gros allemand et tout, le un professeur gros Schubert. Barbu qui avait une barbe un peu noire et grise, là. Et donc, pour resituer un peu, donc, l'homme de l'Atlantide, c'est donc Patrick Duffy. Ah, j'étais hyper fan quand j'étais môme. Hein. Et qui donc avait un caleçon jaune. Ah oui, oui, oui. Voilà, de rigueur, et qui nageait, en fait, à la radio, ça passe pas super bien, mais en gros, il ondulait sur lui-même. C'est ça. Et vous, et voilà, on l'a tous fait dans la piscine. Et ça marche pas, on avance. Et ça marche pas, c'est naze. Ouais, mais en même temps, les gars, on n'a pas les mains palmées. Ouais. Je veux dire, il a pas les pinceaux palmés aussi, des pieds. Bah si, mais c'est ce qui m'épatait, voilà, c'est quand il montrait ses mains et que c'était palmé et tout, c'était terrible, avec ses yeux à moitié de serpent, là. Donc, Non, mais il a des yeux qui brillent, c'était tout bizarre. Il avait sous l'eau, là, comme les crocodiles. T'sais, ils ont une sorte de lentille ou je sais pas quoi. Voilà, là, c'était un peu l'idée. Et du coup, moi, ce dont je me souviens, hormis la jeune femme blonde que j'aimais beaucoup dans la série, il y avait effectivement ce méchant. Il y avait effectivement ce méchant avec des combinaisons bleu marine. Enfin bref, ils étaient tous dans un sous-marin constitué de petites boules mises les unes au bout des autres, et ils passaient 80% des épisodes sous l'eau, forcément, et donc ils combattaient, entre guillemets, ce fameux professeur Schubert, qui était donc campé par, en VF, par notre ami Roger Carrel, voilà. D'accord. Et c'est vraiment une série, alors 77 étant né en 75, j'ai vu des rediffusions dans les années 80. Évidemment. Mais c'est une série finalement qui a été, alors je ne suis pas non plus à fond les rediffusions, mais qui a été assez peu rediffusée de mémoire. Alors j'imagine c'est qu'il y a eu peu de succès, parce qu'a priori il n'y a eu qu'une seule saison même dans la série. Ah bon ? Ouais, de mémoire je crois qu'il y a qu'une seule. C'est comme la série Manimal, il y a eu genre très très peu d'épisodes, mais ça a tellement été repassé en boucle, en boucle, en boucle, qu'on a l'impression qu'on en a vu 40 000 quoi. Bah, pas l'homme de l'Atlantide, honnêtement. Hein. Là, moi, je me souviens d'une rediffusion. Il y a une quinzaine d'épisodes. Mais voilà, c'est ça. Mais bon, je sais pas, ça m'a marqué. Mais bon, on a tous nagé comme l'homme de l'Atlantide. Bah, évidemment. Évidemment. Et puis l'époque, après, c'était l'époque Patrick Duffy, c'était sa grande époque Bobby Dallas. Bah, évidemment. Donc, forcément, voilà. Quoi. Moi, j'étais à fond Dallas. Moi, j'étais dans le clan Santa Barbara. Ma mère, elle était hyper fan. Mais moi, j'étais dans le clan des deux. Hein. Kelly Slater, c'est pas la même époque. Cruz Castillo et tout là. Non, Kelly Slater, c'est dans Sauvé par le Gong. Ah, merde. Ouais. C'est Assez Slater. Voilà, Kelly Capwell et Assez Slater. Et Cruz Castillo. Cruz Castillo avec Eden. Et Mason. C'était le méchant. Oh là là, c'est moche qu'on s'en souvienne. Robin Wright, enfin tout ça. Il va falloir qu'on fasse un cadeau bonus sur les soaps des années 80. Aucun problème. Côte ouest, le long du Grand Pacifique, les vagues. Non, il y a les enfants. Moi, je te suis, moi, je suis à fond. Par contre, j'ai perdu le truc. Roger Carrel, on t'a perdu, reviens. Alors, parce qu'il a pas doublé dans Dallas, hein, à ma connaissance. Sinon, je l'aurais noté, vous vous en doutez. C'était pour l'homme de l'Atlantide, Patrick Duffy. Et qui a tué JR quand même? Enfin bref, on y reviendra peut-être à l'occasion d'un autre podcast. Oh, ça fonctionne parfaitement, monsieur. Ce qui me plaît, c'est la simplicité de ce procédé. Des infrarouges. Tout simplement des infrarouges. Les mêmes qui servent à faire rôtir les poulets en 10 minutes tout juste. Quand allez-vous mettre l'émetteur en marche? Mais nous l'avons déjà mis en marche, Trepso, alors que vous dormiez encore. Je demande pardon à monsieur, mais 4 heures du matin, c'est peut-être tôt. Oui, même pour un homme de ma condition. Non, il n'est jamais trop tôt pour le succès, en particulier pour un homme de votre condition. Oui, monsieur. Cela semblerait fonctionner, monsieur. Sans aucun doute, oui. Et ça veut dire qu'une célébration va s'imposer. Pourrais-je vous suggérer un cognac de 1896? Vous l'avez encore goûté. Ça m'ira parfaitement, oui. Bon, sélection suivante. On va basculer sur un personnage emblématique et pour le coup une voix emblématique de Roger Carrel, à savoir Benny Hill. alors, choisi parmi Mikado Twix. Alors Benny Hill, c'est parti. Alors Benny Hill, moi j'étais ultra fan de cette série qui passait, rappelez-vous, à 20h le dimanche soir sur la FR3 avec la Tamise. Absolument. Et évidemment, comme tous les enfants de l'époque, on attendait la fin avec les filles qui dansaient, souvenez-vous. Et en fait, paradoxalement, le doublage de Benny Hill était exceptionnel. D'ailleurs, Roger Carrel connaissait très bien Benny Hill et il était plusieurs fois remercié par lui en disant « Bah, franchement, mon doublage est exceptionnel. J'ai des amis qui pensaient même que je faisais la série en français et tout. » Enfin, tu vois, t'imagines ça, pour un doubleur, c'est une consécration absolue, quoi. Et paradoxalement, moi, j'adorais Benny Hill parce que, bah, avec le petit vieux qui lui faisait lui taper sur la tête et tout, mais j'aimais pas quand il y avait des dialogues. C'était évidemment redoublé par Carrel, mais j'étais pas extrêmement fan. Donc, grand souvenir de Benny Hill, je regarde ça, mais avec plaisir, et je suis encore mort de rire. En revanche, peut-être faudrait que je revoie avec mes yeux d'adulte, parce que quand j'étais enfant, j'arrivais pas à capter les subtilités, malgré que l'adaptation, parce que c'est plus que du doublage, pour ce genre d'humour british, c'était vraiment de l'adaptation, était exceptionnelle. Parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent qui sont extrêmement drôles en anglais, qui n'ont aucun sens en français. Mais il faudrait que je revoie ça avec mes yeux d'adulte, parce que très honnêtement, j'ai vu ça enfant. J'étais hyper fan, surtout quand il y avait des femmes, des machins. Des infirmières, des trucs. Et je sais pas, de toute manière, il y avait toujours de la poitrine, on va pas se mentir. Il y avait toujours une paire qui dépassait. Et Ouais, mais à contrario. C'était jamais vulgaire, quoi. Voilà, à contrario de Cocorico Cowboy. Voilà, ça c'était vulgo, quoi. C'était. Ouais. Spades, tu sous-entends que Stéphane Collaro était doublé par Roger Carrel. Le mythe s'écroule. Non, je comprends que l'humour anglais était plus fin que l'humour français de l'époque. C'était subjectif, mais c'était jamais vulgaire, jamais. Et voilà, donc bon, une scène culte. Bah, alors, je vais plutôt vous proposer le générique, parce que ma scène culte, elle est, comme je vous expliquais, c'est pas du tout un dialogue de Benny Hill. En fait, c'est un Benny Hill qui participe à un concours de billard et il est face à un de ses acolytes. Bon, il avait deux acolytes. Il avait le fameux petit vieux et, on va dire, le gentleman anglais typiquement clicheton qu'on pouvait trouver dans les années 80. Et puis, cette scène est drôle parce que dès qu'il casse les boules, comme on dit, elles vont presque toutes dans les trous. Enfin, je trouvais que pour l'époque, c'était très bien fait. Donc, on vous mettra le lien sur le billet de poste, parce que malheureusement, et fort heureusement, c'est que visuel, donc en radio, ça passe absolument pas. Mais je vais quand même vous proposer l'écoute du générique. Le générique, c'est parti. Ça me donne envie de courir en accéléré. Et puis surtout, c'était le générique accéléré, quoi, les images accélérées à la fin. Ah bah ouais, c'était excellent ça. Mieux de la prairie anglaise. C'est ça, ils font des allers-retours et tout. Enfin. Voilà, ils se courent après. Mais honnêtement, Benny Hill, franchement, je trouve qu'il n'y a pas de truc fandard comme ça. Puis c'est pas ça, là, c'est effectivement. Et ouais, c'est jamais vulgo, quoi. Je suis d'accord. Bon, et ben. On va passer dans le religieux maintenant. Notre ami Spades nous a choisi le cardinal de Richelieu dans Les Trois Mousquetaires. Alors je te laisse nous parler des Trois Mousquetaires. Pour tous ceux que tous courent. C'est voilà, ça non, c'est tout à fait. Les Trois Mousquetaires version chien, tout à fait. Encore des animaux et des poils, quoi. C'est fou. Eh oui. C'est fou. Il y a une grande thématique, là. Les Trois Mousquetaires, tout le monde connaît l'histoire écrite par Alexandre Dumas. Là, en l'occurrence, c'est donc une série animée hispano-japonaise qui date de 81, racontant les aventures de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires, mais version chien. Et donc, pour sauver le royaume de France, ils doivent retrouver les ferrets de la reine et combattre l'immonde cardinal de Richelieu. Et donc, Roger Carrel... C'est un loup, non? Non, c'est un chien. Il avait le poil marron, plutôt. Ouais. Ah, mince. Il avait une petite moustache, non? Ouais. Ouais, enfin, ça y est, c'est moustache, on met des poils, c'est pas évident, mais oui. Et ce personnage mythique avec une classe folle était donc incarné par Roger Carrel. Voilà. Ça, je m'en souvenais pas du tout. Et il incarne aussi Porthos. J'allais dire, il faisait pas que ça. Il faisait aussi le mec qui racontait les voix off, enfin le narrateur. Le narrateur. Il faisait aussi Porthos, le mousquetaire balèze. Il faisait plusieurs voix, mais c'est surtout pour le cardinal de Richelieu que je le trouvais remarquable, quoi. Et moi, ce qui m'avait toujours frappé dans ce dessin animé, bah en fait, ils avaient que le haut et des bottes. Oui. Bah comme Donald. Exactement, mais bon, Donald, on s'est jamais interrogé, sauf quand il prend sa douche, il se sent tout nu quand il enlève le t-shirt. Bon, oui, oui. Bon, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Est-ce que t'as une scène culte que tu aurais retenu Une scène culte, c'est surtout l'une des premières apparitions du cardinal de Richelieu, où il s'en prend donc à Jussac, un de ses hommes de main. Bon, ben on va s'écouter ça. Allez, c'est parti. Éminence, ne me dites pas qu'il a réussi à s'échapper sous votre nez. Oui, sous mon nez, exactement. Il est tout à fait évident que D'Artagnan est entré dans le palais, mais on ne peut pas l'en accuser parce que les gardes du palais sont des mousquetaires et ne témoigneront pas contre lui. Nous avons perdu une occasion en or de nous débarrasser de Tréville et de ses mousquetaires. Et qu'a fait la reine quand vous êtes entré dans ses appartements? Elle a dit qu'elle dormait, mais sa chambre était anormalement en désordre. Et vous avez cru la reine, Éminence? Vous ne trouvez pas ça étonnant, la disparition de D'Artagnan et le désordre dans la chambre de la reine? Je n'ai pas cru un seul mot de ce qu'elle a raconté, mais que pouvais-je faire? Je ne pouvais tout de même pas accuser la reine de mentir. Et pourtant, je savais qu'elle mentait. Mais comment D'Artagnan a-t-il pu sortir du palais sans être remarqué? Par un passage secret. Vous croyez? Tout le monde sait que le sous-sol regorge de passages secrets qui mènent tous à l'extérieur. Oui, Rochefort, vous avez sans doute raison. Est-ce qu'un des passages mène jusqu'aux appartements de la reine? Si j'en crois les légendes que l'on raconte, il y a deux passages secrets qui partent des appartements de la reine. L'un qui conduit à la Seine et l'autre dans un bois à l'ouest du palais du Louvre. Très bien, nous allons surveiller les deux issues. Nous finirons peut-être par prendre quelqu'un dans nos filets. Évidence, confiez-moi la surveillance d'un des passages. Je crois que vous pouvez confier cette mission à Jussac. Entendu. Jussac, vous surveillerez le passage qui mène au bois à l'ouest du palais. Si vous permettez, Éminence, je m'occuperai de l'autre passage. Accordé, Rochefort. Je sais que nous finirons par prendre la reine au piège. Faites-moi confiance. Écoute, merci Spades. Moi, ma prochaine sélection... Allez, on va prendre ça. On va prendre La Folie des Grandeurs. Vous connaissez ce film? Oui. 1971. C'est un film qui reste alors, inspiré de Orville Blass. Enfin, Orville Blass a inspiré La Folie des Grandeurs. Dans ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, on voit très rapidement que ces fameux Grands d'Espagne, qui donc se peuplent le film, sont doublés en version française, même si le film est... est un film français à la base, mais y a des acteurs qui ne le sont pas et qui sont donc doublés. Et donc Roger Carrel double le Borgne. Et le Borgne, c'est un personnage qui manigance. Ils sont toute une bande justement à vouloir la peau. Borgne ou je sais pas quoi, non. Voilà, et fait on le voit lever son bandeau sur l'œil. C'est un film que j'affectionne déjà parce que je suis fan de Louis de Funès et parce que musique de Polnareff et parce que environnement. Il y a des phrases exceptionnelles. Les pauvres, c'est fait pour être très pauves. Les riches, très riches. Il en manque une. Il en manque une. Les riches, c'est fait pour. Quand on est riche, on est désagréable. Enfin bon, tout ça, il y a énormément de phrases cultes. Et le fameux torchon dans l'oreille, avec le frottement d'Yves Montand dans les oreilles de Funès. Mais c'est vrai que le côté doublage de ces grands d'Espagne est moyennement réussi, puisque on voit que c'est pas des acteurs de seconde zone, mais c'est pas terrible. Alors que la voix du Borgne, par Roger Carrel, sort du lot, en tout cas, dans ces différents personnages. Le Borgne ! Monseigneur ? Tu connais César ? Oui, mais ça va ! Tu connais César ? Le bandit, César ! Oui. Il faut que tu me mettes la main dessus. Personne ne l'a vu depuis 10 ans, et c'est pas avec un œil. On voit très bien avec un œil ! Bon ! Oui, t'as raison, on voit pas très bien. Enfin, quand t'auras trouvé la première moitié, l'autre moitié sera pas loin. Voilà, effectivement, il est l'or, Monseigneur. 4. Il en manque une. Mais ça, bon, c'est pareil, tu sais, le film. Qu'est-ce qui fout chez la vieille ? Parce qu'il y a quand même Alexa Pritch et avec le perroquet qui l'envoie pour lui répéter sa loterie. Et ça, par contre, je vais me faire un devoir de le revoir avec mes enfants parce que, bon, et clairement, c'est un film des années 70, mais qui a été 10 milliards de fois rediffusé. Ah bah oui, pour le coup, là, oui. Et moi, pareil, je l'ai découvert enfant et je tripais à mort, quoi. Je vais vous avouer un truc, je suis pas très fan de Louis de Funès. Ouais. Mais alors, non, ce film-là, maillon faible. Au revoir. Mais ce film-là, par contre, m'a fait mourir de rire. Non, Rabbi Jacob. Même. Je l'ai vu. Même. Avec mes gamins, ils étaient pliés, quoi. Ouais, non, moi, ça a jamais marché sur moi l'humour de Louis de Funès. D'ailleurs, vous savez, Slimane, c'est la voix du Ulysse 31. Voilà. Donc, on vous invite évidemment à écouter notre excellent podcast sur l'Ulysse 31 avec David Collin. Voilà. La minute auto-promo. Absolument. Voilà. Bon, bah, la prochaine sélection va nous permettre un peu de partir dans les marécages à base de grenouilles. On va parler de Kermit la grenouille, justement, dans Mikado Twix. Ah ouais. Honnêtement, je vais pas m'étendre très longtemps parce que, évidemment, on parle du Muppet Show. Univers extraordinaire de Jim Henson. À ne pas confondre avec Jane Manson, hein. C'est mes blagues. Voilà. Hein. Et donc je pense qu'on en fera vraiment un numéro complet. Donc Roger Carrel. En fait, il y avait toute une clique extraordinaire qui double les personnages du Muppet Show. Il y a Micheline Dax qui fait Peggy, Hernandez qui fait, vous savez, le batteur là, qui est tout énervé là, et les petits vieux, je crois. Mais surtout, évidemment, Carrel, il apporte quelque chose à Kermit qui, selon moi, rend le doublage français exceptionnel. Quoi. J'ai de suite en tête une scène culte, parce que moi, j'ai vraiment, c'est un truc, je me souviens, je regardais ça avec mon papa, parce que pareil, il était hyper fan du Muppet Show, et ce qui était intéressant dans cette série, c'est que t'avais souvent des guests qui étaient invités, par exemple, t'avais Elton John, t'avais Stallone, une fois t'avais même Roger Moore. Mais ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est qu'ils avaient invité Charles Aznavour parce que c'était un peu le French crooner, le French lover, etc. Et évidemment, il en joue, il en surjoue dans le Muppet. Ça m'avait marqué parce que il y a Charles Aznavour, tu vois, dans le Muppet Show. Voilà. Non, écoutez, ouais, Charles Aznavour, il doit faire la même taille que Kermit, alors. Ça c'est moche. Bon, on s'écoute un morceau alors. Allez, c'est parti. Mon petit Charles, je dois d'abord te dire que nous sommes tous ravis de t'avoir avec nous. Oh, tout le plaisir est pour moi, je te remercie. C'est normal. Je peux te poser une question ? Bien sûr. Bon, pourquoi toutes les femmes sont folles de toi ? Ah, tu sais, sans fausse modestie, je crois que j'ai un gros atout, c'est ma voix. Ta voix ? Oui, ce qui est important, c'est pas ce que tu peux dire, non, c'est simplement la façon de le présenter. Et le ton de la voix. Peut-être, mais bien qu'étant grenouille, je n'ai pas la voix coassée comme toi. Non, c'est pas grave, il suffit d'un peu d'entraînement. Tu crois ? Oui, un exemple. Ah, Piggy, mademoiselle Piggy, voulez-vous venir, s'il vous plaît ? Elle parle pas l'anglais, je suppose. Peut-être, mais comme un cochon. Tant mieux. Oui, ça. Miss, your oil filter has a leak and your transmission is sagging. Oh, étonnant. C'est vraiment fantastique. Tu l'as subjugué. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Oh, j'ai dit à ton filtre à huile qui fuit et ta transmission s'écroule. Ça, c'est incroyable. Bon, on peut pas s'empêcher aussi de penser au bébé de show de Jean Roucas et tout ça en parlant et de... Et voici le très bébé de show. Voilà, le très bébé de show, tout ça. J'aimais pas ça, par contre. Non, moi, j'étais pas trop fan. Oh là là. Écoutez le RPR. Ah là, mon Dieu, ça, je... Il aime pas, mais il a retenu. Il aime pas, mais ouais, il va. Attends, mais moi, je viens d'une famille où le Ricard, c'était une religion, les gars. Non, je couperai, c'est moche. Ah ouais, là. Ah, on moche. L'a pas vu venir. Donc ouais, enfin voilà, tout ça pour dire que le timbre de voix de Kermit pour Carrel, il est plutôt aigu, mais on rentre pas dans le désagréable à l'oreille, quoi. Vous voyez ? Et ça rend vraiment, c'est une grenouille qui parle. Comme tout à l'heure, je parlais, c'était un serpent qui parlait. Là, c'est une grenouille qui parle et c'est en plus crédible, quoi. Entre ça, Picoé qui a repris le doublage. Bah oui. Mais pas gagnant. Hein. Il me semble qu'il avait tenté une version française, non, du Muppet, non ? Vraiment une adaptation. Oui. Où c'est fait en France, non ? Oui, c'était Koé qui faisait le doublage de Kermit. Ah bon ? Oui. Et j'en ai jamais vu. Hein. Je me suis dit, ça allait violer mon enfance. Ah ça, oui, ça la viole une vingtaine de fois, quoi. Ça la déterre et ça la viole, hein. C'est la nécrophilie. Parce qu'ils avaient invité, pour le premier, je crois qu'ils avaient invité Elise Moon. Oui. Et j'ai fait bon, Kermit et Lycée Moon, non, c'est pas possible, quoi. Pas de grenouille. Mais ça montre bien le problème avec le doublage de maintenant, où à l'époque on prenait des vrais comédiens pour faire du doublage. On prend des acteurs. Même pas des acteurs, hein. Koé est pas acteur, il est juste animateur radio, quoi. Ah mais Koé en Kermit, là, tu m'intrigues, hein. Ça sent pas terrible. Ça sent mauvais, oui. Ouais. Bon, eh ben, merci pour cette sélection, Mikado. Pour conclure, je vais choisir, pareil, un truc un peu obscur. Savez-vous que Roger Carrel a doublé le crocodile Amstrad dans les pubs des années 80-90? Ah, et là, ça, vous faites ça, les malins. Ça, c'est un super dossier, quoi. Voilà, parce que je sais pas si vous vous souvenez donc les pubs pour les Amstrad. Moi, je me souviens de l'affiche cliché avec le petit avec chinois le, là, ou le japonais, je sais plus, oui, ou tabasse complètement sonné là, je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Non, mais alors donc à la base les Amstrad CPC, qui étaient donc les ordinateurs familiaux à cassette ou à disquette. Donc on voyait, ça proposait également un pistolet, ça proposait également des accessoires, comme on appelle ça. Et donc l'emblème d'Amstrad était un crocodile. Crocodile. Et il y en avait même plusieurs de mémoire dans certaines pubs qui venaient nous parler de ces ordinateurs-là. Et c'est vrai que c'était la voix de Roger Carrel. Ensuite, dans les années 90, il a fait celle de la fabuleuse console Amstrad GX 4000, qui n'était ni plus ni moins qu'un Amstrad CPC qu'on branchait sur la télé à cartouche. Donc absolument aucun intérêt. Mais bon, c'était juste pour le plaisir. Et d'ailleurs, on va s'écouter une petite pub Amstrad avec la voix de Roger Carrel. C'est parti. Je suis connu comme le loup blanc. Dis-donc. Et moi comme le croco Amstrad. C'est pour jouer sur la télé. La nouvelle console de jeu Amstrad, elle va tout casser. Bon, eh ben, on va se faire un petit pot pourri, là, un petit listing quand même, parce que de toute manière, comme on l'a dit au début, étant donné le nombre de prestations de notre grand monsieur du doublage. Moi, je vais juste en prendre un, comme vite voilà. Fait, parce vas-y, que sinon, vas-y. Imraj, il va me découper. C'est que en fait, dans Star Wars, eh ben, faut savoir que Roger Carrel fait le doublage. R2-D2. Non, ça c'est Micheline Dax. qui fait le doublage du fameux C3PO. Et enfin, C6PO, tu veux dire, dans la version française. Ah, je sais plus. Moi, en plus, je suis pas l'expert Star Wars. Faut demander à Imran. C'est pas Z6PO, carrément, voilà. Dans les premières versions. Oui, où ils disent, voilà, 6PO aussi, enfin bref, tout ça. Bah, C3PO, alors c'est en VO. C'est en VO. Oui, en VO. Ah, bah, moi, pour moi, c'est C3PO. Je vais te dire, là, cette histoire qu'il a joué C3PO. J'ai redécouvert ça récemment en écoutant un podcast d'un confrère Season One qui ont fait une interview du grand Roger Carrel. Qu'on vous conseille d'ailleurs, hein, parce que on vous mettra le lien parce que c'est vraiment vraiment un très très remarquable, beau, très très bel entretien quoi. Mais j'ai redécouvert ça dans ce podcast. J'avais pas revu les films en français depuis la version qui était sortie en 97. Donc j'ai toujours revu les Star Wars en VO STFR. Et là quand j'ai entendu la voix de Roger Carrel sur C3PO, ça m'a scotché, quoi. Moi, je trouve qu'elle est bonne, en plus. Je ne vais pas vous mentir, vous le savez, je ne suis pas un grand, grand expert Star Wars, mais j'aime bien parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais l'impression que c'était un British, tu sais, un Anglais, dans un robot, quoi. Parce que je trouve que le ton, il était... Tu sens que c'est le majordome du futur, quoi. C'est ça, il joue le majordome. Et c'est l'idée que ça... Et du coup, tu sens que Carrel, il a complètement cerné l'essence du personnage. Bah d'ailleurs, c'est dans le podcast que tu as cité. Tu sens qu'il explique quand il tient le personnage, il faut qu'il le décrypte. Et après, à sa manière, il se l'approprie. Voilà, c'est ça. Quoi. Sauf quand, comme on expliquait, quand il doit être complètement raccord, comme c'est le cas pour les productions Disney. Donc, pour rester sur Disney, on peut citer aussi Mickey Mouse, quand même, jusqu'aux années 80. Absolument, oui. On est obligé d'en parler. Alors, vous vous souvenez du générique là, de Disney Channel? Non. Si, avec justement la tête de Mickey dessinée avec les rayures blanches. À la fin, bleues, ça finit avec du papier craft là et tout. Oui, là où il y avait Zorro, des croquettes et tout le bazar. Absolument, ouais, c'est beau. Bon, bah pareil, du FR3, bref. Ah bah oui, là on est 1985. Sinon, en tant que bon fan des années 80, faut pas oublier qu'il a aussi fait une voix dans Albator 84. Oui, exact. Oui, il fait Alfred. Il a fait la deuxième voix d'Alfred. Ah, moi, j'allais pas vous dire ça. Il fait, je suis désolé. Bon, évidemment, on a fait notre podcast qui est un an, mais qu'on vous invite évidemment à écouter. Mais il a fait une des voix des méchants, vous savez, ceux qu'on les oreilles bizarres et qui sont tout bleus, là. J'ai oublié le nom déjà. Oui. Ah, mais dans Albator 78, du coup. Je crois, ouais, que c'est dans 78, ouais. Mais dans 84, il reprend le. Ah oui, il fait Alfred. Ah bah tu vois, Ouais. Dans le deuxième doublage, alors. Voilà. En fait, non, c'est. À un moment, le doubleur change. Oui, voilà, bah, c'est oui, comme c'était. Ça, on l'avait évoqué, il change 40 fois de voix dans toute la saison. Une petite voix dans Capitaine Flamme aussi, mais voilà. Ça fait. Et que les Jekyll, il fait les deux. Exact. Ah, et que les Jekyll. Et Jekyll. Et bah, moi, vite fait, bon, même si j'ai jamais été un grand fan, il faut savoir que c'était quand même la voix des dessins animés. Enfin, à l'époque, c'était pas des dessins animés, c'était des personnages avec. Enfin, c'était des grands personnages de Winnie l'ourson. Et il fait aussi Porcinet. Et Coco Lapin aussi. Il fait également Coco Lapin. Alors imagine, à l'époque, quand les trois, ils parlent soit en même temps, soit à tour de rôle. Le travail de doublage sur ce truc-là, quoi. Et puis le chat d'Alice au Pays des Merveilles aussi. Ouais, absolument, ouais. Woody Woodpecker. Aussi. Oh là là, mais c'est fou, ça. Et est-ce que vous vous souvenez, en Sirf, il est au courant parce que j'ai envoyé la liste, donc c'est à toi que je vais m'adresser, Spade, du dessin animé Taram et le chaudron magique. Bien sûr. Est-ce que tu sais qui de Carrel double dans ce dessin animé? Ou quoi? La petite boule de poil. Garcie. Exactement. Oh là là, mais il est référencé ce garçon. On va le garder, je pense. Bon, alors moi j'en ai une dernière. Non, mais Taram, c'est juste un de mes Walt Disney préférés. Ah, mais moi, c'est marrant, il est complètement méconnu ce dessin animé. Mais moi, bon, pareil, 36-15 anecdotes. Ma mère, elle travaillait dans une grande société américaine qui avait surtout un énorme CE. Et à l'époque, c'est peut-être de là que c'est venu le virus verbatim, mais il y avait vachement de BASF bizarres qui tournaient. Et je me souviens, bon, maintenant on dirait que c'est un vieux screener ou un truc comme ça, tu vois. Et ma mère, elle m'avait ramené une cassette de Taram et le chaudron magique. Et j'étais fou parce que j'avais adoré. Et je l'ai revu il y a quelques années et j'ai trouvé qu'il était encore très très bon. Par contre, le message, je pense que c'est le personnage qui veut ça. J'aime pas trop le doublage de Carrel dans ce dessin animé. Parce que Gurki, c'est une petite bête qui est vraiment pleutre. Oui. Mais qui est bon, qui est plein de bonnes choses, enfin de bonne volonté, mais qui est complètement pleutre. Et j'aime pas la voix, c'est comme Porcinet, elle m'agace, quoi. C'est une voix de comic relief, quoi. Voilà. Toujours dans les productions Disney, il faut savoir qu'il fait également la voix de Basile, détective privé. Et bien sûr, et de Bernard dans Bernard et Bianca. Et c'est marrant parce que quand on a préparé l'émission, moi, évidemment que j'ai regardé mes fiches, je suis tombé sur... ah oui, c'est vrai, il avait fait Basile, détective privé. Mais j'avais surtout retenu la voix du grand méchant, qui est un des Charlots, là, le leader, dont j'ai oublié son nom. Gérard Rinaldi. Ouais, et ben, en fait, il fait à l'époque, je me souviens, il avait été médiatisé pour ça, parce qu'il faisait la voix du méchant, c'est Ratignac, hein, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. De Basile, détective privé. Et un petit Isidore le citadin dans la ville, les autres chats aussi. Ah bon, il fait qui? Isidore. Ah, Isidore. C'est lequel Isidore? C'est le chat orange, le roux, celui qui n'a pas la casquette. Ouais. Ah oui, et l'autre c'est Oui. Ah oui, j'aimais bien ce dessin animé. Mais et sinon, pour partir dans les dessins animés malaises des années 80, il va falloir qu'on fasse un podcast sur les dessins animés malaises. Hein, on en avait un paquet à l'époque. Rémi, non? Non, dans Clémentine. Clémentine, ah oui, quand tu fermes les yeux, il fait le méchant, Malmotte. Je fais Malmotte. Ah, alors ça, dans le genre de dessin animé qui me mettait mal à l'aise à l'époque, c'était Clémentine. Hein. Ah, c'était l'instant malaise. C'est pas la première fois qu'on en parle, et c'est vrai que Clémentine, avec le chat, avec les hélices, tout ça. Oui, à la fin, en fait, Malmotte, pour les gens qui connaissent pas, c'est une entité démoniaque qui ressemble plus à des flammes qu'autre chose. C'est ça, non, de mémoire, oui. Non. Et oui, moi, ce qui me faisait vraiment flipper, sa manière à lui de punir les méchants. Parce qu'en fait, grosso modo, ils avaient une mission, c'était d'anéantir Clémentine. Je m'en souviens pas très bien, très honnêtement. Mais ce qui était dingue, c'est qu'à la fin, ils étaient transformés en espèce de petit, je sais pas, truc grouillant, tu vois, un rampant ou je sais pas quoi. Mais ils gardaient leur tête. Ouais, ouais. Et Malmotte, je crois qu'il est bouffé ou il est jeté bêtement au feu ou un truc comme ça, je sais plus, mais c'était glauque. Moi, le pire, c'est quand même la première fois où Clémentine rencontre Malmotte, donc suite à son accident d'avion. L'avion, ouais. Où elle perd l'usage de ses jambes et on voit Malmotte qui lui parle et qui lui dit je vais t'attraper et te torturer avec amour. Ouais. Ça, c'est déjà malsain. Bon, moi, j'en ai vraiment une toute petite dernière. Parce que. Vous vous souvenez du film Jurassic Park? Bon, là, on n'est plus du tout dans les 80s. Et est-ce que tu te souviens de l'intervention de Carrel dans ce film-là? le guide automatique. Oh de là voiture. Là, mais il est incollable ce garçon. Bravo. Ouais, il fait la voix du quand ils font le tour du parc, en privé avant qu'il soit mis au service du public. Et en fait, c'est la voix du parc quoi, qui fait la voix off du parc. Et sinon, moi, j'aimerais conclure sur ce qui est pour moi la plus belle prestation qui est de Carell, c'est son doublage du Dictateur. Oui. Le film de Charlie Chaplin, où Charlie Chaplin a écrit un discours par rapport à la tolérance, au respect, en réponse à ce qui se passait durant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Et Carell fait un doublage de ce film qui est juste spectaculaire. Oui, c'est un deuxième doublage d'ailleurs, je crois. Non, premier doublage. Ah, c'est pas non. Et il est de quelle année ce film déjà ? 40. Le film, il est des années 40, mais en fait, 40. Le film n'a jamais été doublé avant le passage de Carell. Quand il était diffusé en France à l'époque, c'était en VOSTFR. Et là, tu as une idée de quelle année il l'a doublé, par curiosité ? Ça a dû être en 57, un truc comme ah ça. Ah oui, quand même. Ouais. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est un grand monsieur et qu'il nous berce. Pour moi, Carell, c'est vraiment la voix, j'ose le dire. Avec Monsieur Topard, une mystérieuse cité d'or, qui a vraiment bercé mon enfance. Et puis il a quand même doublé certains épisodes de Derrick. Il faisait Hercule Poirot également, quoi. Bon, ça, j'en ai moins de souvenirs, mais bon, c'était Anna Montana, tout ça, enfin bon. Non, mais c'est fou. Le seul regret que j'ai avec Carell, c'est qu'on ne l'ait jamais entendu nous raconter une blague totalement grivoise. Diable Rose, attention. Il faut que vous regardiez le Diable Rose, les gars, c'est pas mal du tout. Parce que c'est quand même un monsieur d'une grande classe, quoi. Humainement parlant, c'est un monsieur, tu dis, mais il est je sais pas ce que c'est la vulgarité. Non, mais c'est Diable Rose. C'est exactement ça, quoi. J'aimerais. Le truc, c'est qu'il pourrait nous raconter une histoire de Guy Montagnier, puis rendre ça super beau, quoi. Voilà. Bon, après, s'il fait du Michel Leb, ça marcherait moins, mais. mais il rendrait le truc, tu sais, parce que ça, on ne l'a pas trop évoqué, mais Carell, il fait, en plus de faire des voix formidables, il fait des accents étrangers d'une justesse absolue. D'ailleurs, encore une fois, on va reciter Season 1, où à un moment, il explique Carell qu'il a fait une pub en arabe, parce que le type qui l'a embauché pensait qu'il parlait arabe. Et pas du tout, en fait, quoi. Mais et pareil dans Good Morning Vietnam, où il joue un petit rôle. D'accord. Il joue le rôle de Jimmy Hoa, le patron du bar à Saigon. Ah, d'accord, ouais. Et l'accent, il n'est pas clicheton, quoi. Il est juste. Ah si, non, là, c'est ouvertement clicheton. En plus, le personnage est ouvertement homosexuel, donc il en joue aussi. Mais ça colle avec le jeu d'acteur, quoi. D'accord, ok. Enfin bref, un grand monsieur, quoi. Et il a aussi doublé du jeu vidéo. Tout à fait. Notamment dans Warcraft 2. Il faisait justement Astérix dans les jeux Astérix d'Atari Infogrames. Il a fait du Kingdom Hearts avec justement tous les personnages de Disney qu'il doublait ailleurs. Donc c'est vrai que du coup... Discworld. Discworld 2. Et également un jeu qui s'appelait Branded 13 que j'avais énormément joué à l'époque, qui était un peu type Dragon Slayer, où il fallait tout en dessin animé justement guider un personnage dans une sorte de château hanté. Et du coup, c'est là où on se rend compte quand même qu'il a vraiment touché à tout, même à des époques où, c'est pas que c'était les débuts du jeu vidéo, mais au moins c'était le début des gros doublages de jeux vidéo. Bon, je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour, les amis. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Bien sûr, on n'a pas pu être exhaustif. Je vous laisse nous faire bien évidemment vos retours sur les réseaux sociaux, sur le site, dans les commentaires. Et puis, à très bientôt à toutes et à tous. Et salut Mikado et salut Spades. À bientôt. Salut. Ciao. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Les sangliers d'Obélix. Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits coins frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, pour jouer des mâchoires, quand l'appétit va tout bas. L'essence du défix. Papa des pompes de vin. Papa des pompes de vin. Papa des pompes de vin. Obélix, mon cher amour, je t'empirerai toujours. Et le roi des rois, désormais c'est toi. Quand Obélix m'a tout droit. Cléo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les champignons. Et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit bat tout bas. L'appétit va tout bas. Fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, veuillez rendre hommage au glorieux fromage, quand l'appétit va tout bas. Mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin. Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vite les quenottes, qui croient des crignottes, quand l'appétit va tout bas, ne l'oubliez pas pour absent, l'appétit vient en mangeant. Vite dans les putains, viens nous la ripaille, quand l'appétit va tout bas.